caras que eu já. Eu sei que está ao fundo do E la misère au fond des globes. La neige et la misère. Au fond des âmes. La neige lourde. Le diaphone. Au fond des êtres froids.